Évidemment, le hockey mineur va redémarrer très très bientôt. On va parler avec le responsable du hockey mineur de Saint-Nic-Saint-Jean, Pascal Bouchard. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, je dois te féliciter puis je dois te lever mon chapeau. Hier, j'ai fait une entrevue avec Danny Larouche puis j'aborde dans le même sens que Danny. Ça ne devait pas être évident puis vous devez être content parce que, tu sais, l'année passée, je sais, il y avait eu plein de feux puis vous avez éteint des feux, mais là, cette année, ça recommençait encore. Ça ne devait pas être très passionnant pour votre job, là. Vous avez pas été, t'as pas été mandaté au hockey Saint-Lac-Saint-Jean pour éteindre ces feux-là. Ah, effectivement, ça n'a pas été facile. Ça devient dur pour le moral un petit peu aussi. Là, notre job, c'est de mettre des jeunes sur la glace pour faire du hockey. Puis on s'est battu pendant 2 ans pour réussir enfin à faire quelque chose qui a de l'allure un petit peu. Mm. Fait que, ça a vraiment été quasiment un chemin de croix, qu'on pourrait dire. Ouais. Là, il se passe quoi? Je sais que la Coupe d'Odd est dans la région. Est-ce que la Coupe d'Odd va avoir lieu finalement? La décision n'est pas prise encore, okay. Finale. On avait encore des inquiétudes, c'est sûr, surtout pour la présenter, c'est pas un problème en tant que tel, parce que c'est un tournoi comme un autre, puis tout ça, puis on était quand même assez avancé dans nos préparatifs. Là. Mm. Ben, ça fait 2 ans que c'est reporté. Fait qu'on était quand même assez avancé. Sauf que, est-ce qu'on était capable de recevoir nos gens? Il y a quand même 5000 personnes qui vont rentrer dans la région pour l'événement. Mm. Est-ce qu'on est capable de les envoyer au restaurant, les hôtels, etc.? Est-ce que les hôtels allaient être à 50% de capacité, tout ça? Donc là, avec les nouvelles qu'on a là, c'est sûr que ça va être une vie beaucoup plus normale que c'était. Là. On va pouvoir aller au restaurant, tout ça. Pour finir, par exemple, faut pas penser là, que c'est... Je fais une parenthèse que... Que c'est parce qu'on a une semblant de vie que c'est qu'il faut pas continuer à se battre. Là. Moi, c'est comme en 2016 que je veux vivre. Moi, c'est pas comme avec des quoi, bref, c'est une radio de sport, là. On va parler d'autres choses. Fait que continue. Ben, c'est ça. C'est de voir vraiment si on est capable de recevoir tout ce monde-là pour qu'ils soient bien reçus. C'est beau les faire venir dans la région, mais si on n'est pas capable de leur faire vivre une expérience qui est plaisante et satisfaisante, ben c'est sûr que ça nous aidera pas pour nos futurs événements aussi, là, les tournois provinciaux qu'on a dans la région, tout ça. Là. Fait que, ouais. On est en train d'évaluer les pour et les contre là, de présenter la Coupe Dodge. Là, les tournois, habituellement, c'est une vague après les fêtes. Janvier, février, ouais. C'est une vague après les fêtes. Est-ce que ces tournois-là qui devaient avoir lieu en janvier, février vont avoir lieu finalement? Est-ce que vous avez négocié ça? Mettons, faire une pause puis comme recommencer comme ça dans le temps au mois de janvier. Là. Ben là, à l'heure actuelle, là, y a beaucoup de tournois qui avaient annulé. OK. Puis ils reviendront pas là, pour cette okay. année. Écoute, les bénévoles commencent à être très essoufflés. Puis, ben, cette année aussi, là, c'est un autre affaire qui m'inquiète. Puis aussi, ben tu sais, il y a les partenaires financiers au travers de tout ça aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des pertes et tout ça. Puis avec les tournois, ben, ils vivent avec ça. Les restaurants, les autres partenaires qu'il peut y avoir un petit peu partout. Donc, ceux-là du mois de janvier ont tous été annulés. Là, ça a été annoncé là, au fur et à mesure. Là, il y a l'événement de Saint-Félicien qui va avoir lieu au mois de mars. Il avait été déplacé déjà? Au début de la saison quand on a saisi les tournois. Il y a l'événement de Saint-Félicien qui est encore en cours, là, qui avait été saisi au mois de mars. OK. Donc, avoir lieu. Ça va recommencer quand les pratiques avaient lieu? Donc, j'imagine que les matchs, historiquement, ouais. C'est le 14. Donc, il va y avoir plus de matchs sur semaine, j'imagine, aussi? Ben, dans la mesure du possible, c'est sûr qu'on va en faire sur semaine. On va essayer de placer des matchs là, pour les proximités, surtout, là, sur semaine. C'est pas envoyer une équipe de Lac-Saint-Jean-Nord à Chicoutimi là, le mercredi soir. Là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se faire sur semaine. Là. Ça sera pas si pire. Là, mais on devrait être quand même pas pire pour faire des saisons qui ont du bon sens. Tu as parlé de bénévoles. Moi, c'est une autre affaire qui m'inquiète beaucoup, les bénévoles. Est-ce que les bénévoles... moi, ça m'inquiète l'avenir des ligues, des différentes. Tu sais, si vous faites farmer, ça fait 3 ans que vous faites farmer. Tu sais, mm-hmm. la motivation des jeunes doit être là, mais la motivation également des bénévoles aussi. Là. Marc, les bénévoles, c'est souvent les parents aussi. Là. Ben, effectivement, souvent les bénévoles, c'est les parents. Ouais. Ils sont encore au rendez-vous. C'est assez surprenant, même, de ça, qu'on ait encore autant de bénévoles. c'est une bonne nouvelle, là, c'est sûr. Mais c'est une préoccupation pour nous autres aussi là, d'avoir si on va avoir nos bénévoles encore pour finir la saison puis pour les prochaines saisons aussi là, parce que faut penser à moyen et long terme aussi. Ça nous prend. Tout passe par le bénévolat en fin de compte. Bon, Pascal, merci beaucoup. On se reparle très très bientôt. Si y a de quoi, je ne t'en pas. Parfait, merci beaucoup. Le responsable du hockey mineur de Saint-Jean, Pascal Boucher.